Remarque sur la différence entre le shirk et le kufr puni. Cheikh Mohammed ibn Ahmed al-Hifdi dit: le mot shirk, ça veut dire que tu adores un autre qu'Allah. Et ceci est ce qui se passe. Alors que le mot kufr, c'est rejeter ou démentir ce qu'on sait forcément être un enseignement du messager, qu'Allah le bénisse et le salue. Le mushrik est celui qui donne un associé à Allah, même s'il ignore que c'est interdit, ça n'empêche pas qu'il soit un associateur, et donc non musulman. Le kafir est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui parvient. Donc, lorsqu'un homme adore un autre qu'Allah, il est un associateur, un mushrik, et pas un musulman. Puisqu'il adore un autre qu'Allah, mais est-ce que ce mushrik est un kafir? Il n'est un kafir que s'il a été averti par le message d'un prophète. Par contre, s'il est incapable d'accéder à ce message et de l'apprendre, il n'est pas kafir. Mais il n'est pas musulman pour autant. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit: ce genre de polythéistes et leurs semblables qui adorent les saints et les pieux, nous jugeons qu'ils sont polythéistes et nous les considérons mécréants après que la preuve leur soit établie. Ils les jugent donc polythéistes pour leur adoration des tombes, mais pas mécréants tant que la preuve ne leur est pas établie. Abdullah ibn Ibrahim, fils d'Abdullah Tif al-Shir, ainsi que Sulayman ibn Sahman, dirent: quant à la parole du Shir Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il ne juge pas mécréant celui qui est sur la coupole d'Al-Kawaz et ses semblables, et qu'il ne juge pas l'idolâtre, Watani, comme un mécréant tant qu'il ne l'a pas averti, et que la preuve ne lui est pas parvenue. En effet, le Shir Mohammed, rahmahullah, ne jugeait pas les gens directement mécréants, mais uniquement après que la preuve leur soit parvenue et après avertissement. On voit ici que le Shir ne jugeait pas mécréants ceux qui adorent des tombes avant de les avertir, mais il les jugeait quand même idolâtres et non musulmans. Les fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab ainsi que Shir Hamad ibn Nasser al-Muammar dirent: s'il commet de l'impiété ou de l'idolâtrie par ignorance, sans personne pour l'avertir, alors nous ne lui donnons pas le statut de mécréant tant que la preuve ne lui est pas établie. Mais nous ne jugeons qu'il est musulman non plus. Nous disons que son acte est une impiété permettant de faire couler son sang et de s'emparer de ses biens. Et même si nous ne rendons pas le verdict sur cette personne précise à cause qu'aucune preuve ne lui a été établie, il ne faut pas dire pour autant que s'il n'est pas mécréant, alors il est musulman. Nous disons que son acte est celui des mécréants. Quant à l'affirmation de ce verdict sur cette personne en particulier, cela dépend de savoir si la preuve lui est parvenue ou non. Et les gens de science disent que ceux qui vivent dans une période de rupture, et ils seront éprouvés le jour du jugement, et ils ne leur ont donc pas donné le verdict des mécréants, ni celui des pieux. Et Hamad ibn Nasser Muammar dit: en ce qui concerne votre question, est-ce que les actes de piété et les bonnes actions de ce genre de croyants lui sont d'un quelconque intérêt avant qu'il ne concrétise le monothéisme? On répond que cet homme-là ne prend pas le nom d'islam, et encore moins de croyant. Mais il faut dire que l'homme qui commet de la mécréance ou y croit en situation d'ignorance et sans personne pour l'en avertir, puis fait des pratiques bienfaisantes et pieuses, alors Allah l'en récompensera, s'il valide son islam et concrétise son monothéisme envers Allah. Comme le prouve le hadith de Hakim ibn Hazim, tu t'es converti sur ce que tu as déjà fait de bien. Pour ce qui est du pèlerinage qui a été effectué dans une telle situation, nous jugeons que son devoir n'est pas rempli, mais nous lui ordonnons de le recommencer, car nous ne le jugions pas musulman à ce moment. Or, le pèlerinage est valide qu'à condition d'être musulman. Alors comment son pèlerinage serait-il valide alors qu'il commet de la mécréance ou y croit? Mais nous ne lui donnons le statut de mécréant qu'après que la preuve lui soit établie. Une fois que la preuve lui est établie et qu'il emprunte la bonne voie, nous lui ordonnons alors de refaire son pèlerinage avant d'être certain qu'il a accompli son devoir. Et il dit: ceux qui moururent avant l'apparition de cet appel islamique et qui étaient apparemment en état d'idolâtrie, nous ne nous préoccupons pas d'eux et ne leur donnons ni le statut de mécréant ni de musulman. Mais nous disons: celui à qui le message de Mohammed est parvenu et y adhère et pratique l'unicité d'Allah et l'adore sans aucun associé et adopte les lois de l'islam et pratique ce qu'Allah lui a ordonné et s'écarte de ce qu'il interdit, celui-là est au nombre des musulmans promis au paradis à toute époque et en tout lieu. Par contre, celui qui se trouve dans la situation des païens et ne connaît pas le monothéisme pour lequel Allah envoya son messager pour y inviter l'humanité et ne connaît pas l'idolâtrie contre laquelle Allah envoya son messager pour l'interdire et pour le combattre. On ne dira pas d'une telle personne qu'elle est musulmane à cause de son ignorance. Mais au contraire, celui dont l'acte apparent est l'idolâtrie, eh bien, il sera manifestement mécréant. On ne demande pas pardon pour lui, ni ne donne d'aumône pour lui, et nous laissons son sort entre les mains d'Allah qui connaît, qui sait les secrets cachés et ce que cachent les cœurs. Hussein et Abdullah, fils de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ont dit « Celui qui meurt parmi les adeptes de l'idolâtrie, avant que ne lui parvienne cette prêche, nous jugeons que s'il était connu pour pratiquer de l'idolâtrie et le prenait pour mode de vie et est mort ainsi, celui-là est manifestement mort sur l'impiété. On ne fait pas de prière pour lui, ni ne sacrifie pour lui, ni ne donne d'aumône pour lui. Pour ce qui est de la réalité de son sort, cela appartient à Allah. Si la preuve lui a été établie de son vivant, mais qu'il l'a refusée, c'est alors un mécréant extérieurement et intérieurement. Si par contre la preuve ne lui a pas établi, alors son sort revient à Allah. Pour ce qui est de l'insulter ou de le maudire, ce n'est pas permis. Il n'est même pas permis d'insulter les morts du tout, comme cela fut stipulé dans le hadith que rapporte Al-Bukhari, d'après Aïcha radiyallahu anha, et que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « N'insultez pas les morts, sauf s'il était un leader de la mécréance à cause de ce qui les gens se sont égarés. Là, il n'y a pas de mal à l'insulter s'il y a un intérêt légal à cela, et Allah est plus savant. » On voit bien dans ces citations que lorsque les savants disent d'un polythéiste « il n'est pas mécréant », ça ne veut pas dire qu'il le considère musulman. Il est très important de saisir ce point, car celui qui pense qu'un homme est musulman même s'il adore un autre qu'Allah, c'est bien parce qu'il ne croit pas que l'islam consiste à n'adorer nul autre qu'Allah, et ceci revient à ignorer ce qu'est l'islam.